Ok. Là, ce qui arrive, hein, c'est du rap sombre, négro. C'est du rap du bas. Du moins 5 cartels. Tu connais pas, hein? Tu vas connaître. Alien et Puff. Moins 5 cartels, négro. Louba! Je voulais la vie de rêve, mais j'ai eu que la vie de merde. Willy Alien fell to the wishing well, straight to hell. Les pétages, les bêtes, péter la taille. Ok, clean out the air and move out the way. On aime les ténèbres et on mène notre reine. I smoke it up again, the friend, pretend. Tu fais la pouca avant de plomb ou en chaîne. Non, I'm sane, not plain. Moins 5, explain the thing. Conditionnement de l'étage, lui mettre des balles. Je lui pète la chatte en lui mettant des baffes. Reality don't matter to me. Back to basics, bitch. No mistake, and this is what you want from this. Y'a du risque, man, c'est parti. Gadonne le fric, sale quand ça rage. Deep from down below, see, map the motherfucking all. Time to cut, gutless, G, bust this. Yeah. Y'a de la souffrance et du manque de dollars. Ça traîne tard le soir, les narines sniffent des strass. I got the dope of you, I see straight through the real and the motherfucking true. You think it's you, boy. Tu veux qu'on change, on te pète les dents. J'avance arrogant, toujours en quête du million. Fuck the billion, still on the run. Having fun, grab a drink, don't flex. Just think about next. Reste tranquille et pense à ta vie. Dis-toi que plein de lascar comme moi détiennent des fusils. Vive pour mourir, telle est ma vie. Peut-être que tu m'aimes pas, mais ta fille kiffe ma vie. J'représente les vrais et ceux de ma chance. Pas ferme ta gueule, salope, c'était pas de mon manque. J'me lance. Y'a que des frères de sang, ça n'esbille la poudre blanche, accueille les mecs de l'ombre. Y'a plus de temps, on grandit, on compte, ça baisse en prenant des substances malfaisantes. Chienne, tu vas me bébon le gland. On peut être méchant et galant en même temps. I hate suckers that wanna mess, test me. Willy, escape Willy from the trap, get stoned, it's a matter for me. The way I dress is who I be. Friends pretend that everywhere, beware. You're gonna have to get to know I'm talking about. The haters wanna get what you got. Some give a lot and some not. That's when the things get hot. Even when the body rot, it's rotten, forgotten. I sample the tremble, terrible fuss. Ready to bust, conspicuous. Change the station for the plantation. G-A-G-9-G-10. Je ramène de gloire pour them. K-A-R-T-E-L. Ouais, comme c'est dit tout à l'heure, tous les mecs qui se quittent là, t'entends là, hein. C'est que des mecs de chez nous. Même les mecs que t'entends pas, comme le mec qui a fait le beat derrière là, hein. Mr. White, Yamundele, Lingala, négro. C'est du lourd, mon pote, c'est du lourd.